Chapitre 16e. Henri n'avait rien trouvé à répondre aux épigrammes à peine déguisées de M. de Garamante. Ce diable d'homme manie l'ironie avec une aisance hautaine qui rendait la riposte difficile. Aussi bien, ce jour-là surtout, Mareuil n'était pas de force à se mesurer à lui. Il se sentait en proie à un trouble profond. Mille idées incohérentes traversaient son esprit, sans plus de logique qu'il n'y a d'ordre dans un essaim de feuilles mortes que le vent d'automne emporte en tourbillon. Depuis sa conversation de l'après-midi avec André, le jeune homme avait décidément perdu cette maîtrise de soi-même dont il était si fier. La scène du bain avait achevé la déroute de cette raison qui naguère encore s'enorgueillissait de sa froide circonspection et se croyait assez ferme pour déjouer sans peine toutes les surprises des sens ou de l'imagination. Il ne pouvait échapper à la vision troublante de deux lèvres retroussées par un sourire indéfinissable, d'un corps souple, dont il avait senti pendant une seconde l'enlacement nerveux. Le souvenir de cette rapide étreinte le hantait. Il croyait encore entendre le petit cri poussé par la jeune fille lorsqu'au contact des herbes, elle avait, de frayeur, noué ses bras autour de lui. Henri s'absorbait à ce point dans ses pensées qu'il en oubliait tout. Et les railleries de M. de Garamante, et la lettre de son ami dont il avait à peine lu les premières lignes, et Jacques lui-même. L'analyste, le sceptique, était bafoué, désarmé, vaincu. La passion aime à exercer de ses représailles sur les raisonneurs qui ont la présomption de se croire à l'abri de ses atteintes. Lorsqu'un homme a l'impertinence de dédaigner les femmes outre mesure, il est rare qu'une femme ne l'en fasse pas repentir. Henri resta pendant un assez long temps appuyé sur la balustrade de pierre du perron, immobile, perdu dans une de ces rêveries où tout devient délicieusement vague en nous et autour de nous, où le contour des choses s'efface à nos yeux comme dans la brume matinale, en même temps que des réminiscences confuses, des images vaporeuses flottent ainsi qu'un brouillard léger dans notre esprit. Il se redressa enfin d'un mouvement brusque, comme un homme qui se réveille, et jeta un coup d'œil dans le salon. Il était désert. Dans le fumoir, Maxime faisait un whist avec des rieux et pas sérieux. Dans la salle de billard, Madame Passemart causait avec Salbris, tout en suivant des yeux la partie de son mari et du comte. Tandis que Henri regardait derrière les vitres, il entendit, grâce à un vasistas entr'ouvert, la grosse voix de Passemart demander où était André. Elle est remontée dans sa chambre en me priant de l'excuser auprès de ces messieurs. Son bain l'avait beaucoup fatigué. Au lieu de rentrer dans le salon, Mareuil descendit l'escalier sur la pointe du pied, leva les yeux vers la fenêtre d'André pour savoir si la jeune fille dormait, et n'aperçut point de lumière. Après un moment d'hésitation, Henri se décida à faire un tour dans le parc, comptant sur l'influence du grand air pour rassurer à son esprit et à son corps, également fatigué, l'apaisement et le réconfort du sommeil. Il s'engagea dans la grande avenue bordée de platanes. Des feuilles détachées commençaient à joncher la terre et formaient par endroits des amas d'où sortait, lorsque son pied les foulait, un bruit confus et doux, comme celui d'une étoffe de soie que l'on aurait froissée. Henri se rappela qu'une robe d'André faisait un froufrou analogue en traînant sur les tapis. Des deux côtés de l'avenue s'étendaient de jeunes couples de 3 ou 4 ans. Au-dessus des touffes de chênes ou de châtaigniers, quelques troncs montaient épargnés par les bûcherons. La blanche écorce des bouleaux se détachait çà et là sur les masses sombres des taillis. Leurs branches fines et flexibles se recourbaient gracieusement vers la terre et la lune, en les baignant de sa lumière pâle comme eux, argentait le revers de leurs feuilles inquiètes. Mareuil, contemplant la grâce virginale de ces beaux arbres, se prit à songer à cette nuque ronde et ferme, à cette longue chevelure dénouée qu'il avait aperçue lorsque la jeune fille passait la tête par l'ouverture de la tente. Il longeait la pièce d'eau qui arrondissait, comme un miroir encadré d'une forêt de plantes aquatiques, l'ovale de sa nappe tranquille où se miraient les étoiles. Au bruit de ses pas, des sarcelles effrayées glissèrent parmi les nénuphars, et leurs plongeons invisibles ridèrent de grands cercles la surface polie de l'étang. Un souffle de brise vagabonde inclina, en les frôlant, les panaches des roseaux, et le peuple svelte et des joncs exhala un murmure triste et caressant comme un soupir. Il s'enfonça dans le bois par de petits sentiers tortueux et arriva dans le voisinage d'une ancienne maison de garde située non loin du château. Ce chalet, enveloppé d'un épais rideau de vigne vierge, avait plu à André, qui s'en était emparé, et des deux pièces dont il se composait avait fait au premier son atelier, au rez-de-chaussée une sorte de bibliothèque et de cabinet de travail, où elle aimait à se retirer en été, pendant les heures chaudes de la journée. Mareuil aperçut de loin une lumière qui brillait entre les arbres, dans la direction du chalet. Il s'arrêta soudain. Le silence de la nuit et des bois était tel qu'il entendait son cœur battre à coups précipités. Il voulut retourner sur ses pas. Mais un instinct plus fort que sa volonté l'attirait vers ce point d'or. À mesure qu'il s'en approchait, son oreille, tendue à tous les bruits de la campagne, percevait une harmonie lointaine et indistincte. Il se rappela tout à coup qu'André avait fait mettre un piano dans la pièce du bas, et ne douta plus qu'au lieu de regagner sa chambre, ainsi qu'elle l'avait dit à sa mère, la jeune fille ne fût allée finir la soirée dans son chalet. C'était bien elle, en effet. Cachée dans l'ombre d'un grand arbre qui se dressait auprès de la maison rustique, sur le bord d'une petite pelouse, Henri aperçut, derrière les vitraux sertis de lamelles de plomb, André assise à son piano. Les premiers accords de la marche funèbre de Chopin résonnèrent sous ses doigts, avec je ne sais quoi de solennel que le recueillement des bois endormis et la sérénité mystérieuse de la nuit donnèrent à cette composition sublime. Des notes lentes comme un glas, graves comme un roulement de tambour voilé de crêpes, annoncent que le héros vient d'expirer. Puis, un cri de colère monte vers le ciel pour demander compte de cette mort à l'impassible et à l'inexorable. Le blasphème, impuissant, retombe brisé, et la résignation, mouillée de larmes, s'avance en longs habits de deuil. Tout à coup, un chant de triomphe jaillit. Les exploits, les victoires du guerrier accourent, tenant à la main des branches de laurier et de longues palmes vertes. La gloire fend l'air du sillon fulgurant de ses grandes ailes, se pose au sommet du catafalque et laisse tomber une couronne. Mais voici que le désespoir arrive à son tour. Il dit la vanité de l'effort humain, le mensonge de la renommée, le leurre de l'immortalité et le néant de tout. La révolte gronde de nouveau, les imprécations se mêlent aux sanglots, un bruit terrible couvre tout, le son sourd, cadencé de pelletées de terre qui tombent sur une bière. Appuyé contre le tronc de son arbre, Henri écoutait. Par les fenêtres entr'ouvertes, de grandes ondes sonores s'échappaient, et lui, courbait la tête sous cette harmonie surhumaine, comme les roseaux de l'étang venaient de s'incliner sous la brise. Après quelques instants de silence, la voix d'André unit ses belles notes graves aux accords de l'instrument. Elle chanta la romance du roi de Tulé, non pas l'exquise et mélodique composition de Gounod, mais l'étrange chef-d'œuvre que Berlioz a placé dans sa damnation de Faust. Cette musique, entrecoupée, heurtée, capiteuse, plaisait à la jeune fille par l'affectation même de sa couleur gothique. Elle avait dit un jour qu'on ne devrait chanter cet air qu'en s'accompagnant sur la viole et coiffée d'un hennin. Le morceau terminé, elle se leva et vint s'accouder à la fenêtre. Dans la crainte d'être vue, Henri fit un brusque mouvement en arrière, une branche de bois mort craqua sous ses pieds et Slouk se mit à aboyer derrière la porte. « Qui est là ?» dit André. « C'est moi, mademoiselle, » répondit Henri en sortant de l'ombre. « Excusez-moi, je vous écoutais en cachette et j'étais si ravi de ce que j'entendais que je me serais bien gardé de vous déranger. « Tiens, tiens, vous êtes donc venu faire un tour de parc ?» « Décidément, je vais croire qu'il y a entre nous harmonie préétablie. »« Est-ce que vous tenez à rester les pieds dans la rosée ?» dites mon frère en Leibniz. « Non, entrez donc, alors. » Et elle ouvrit la porte. « Mademoiselle, j'admire votre vaillance, seule dans les bois, à cette heure. »« Bah, je n'ai pas peur de grand-chose avec Slug. »« Vous venez de voir comme il me garde. D'ailleurs, j'ai des armes. » Elle prit à sa ceinture un poignard dont elle montra au jeune homme la fine ciselure et la devise « Ferri ferrum. » Depuis qu'Henri lui avait fait lire Colomba, André ne sortait plus le soir sans un stylet. « Quelle page admirable est cette marche de Chopin que vous avez jouée tout à l'heure ?»« Oui, c'est la plus puissante et la plus profonde conception musicale que je connaisse. Beethoven même, ce génie de la douleur, n'exhale pas dans sa marche funèbre une lamentation aussi déchirante. Vous aimez la musique triste, n'est-ce pas ?»« Oui, ce soir surtout, car j'ai du noir à l'âme. » Ah. » Ils restèrent un moment silencieux. Elle, à demi allongée sur un large divan bas, la tête appuyée de côté sur la main et le coude soutenu par une pile de coussins d'Orient. Lui, assis en face d'elle sur un escabeau persan à incrustation de nacre, caressant d'un mouvement machinal le chien accroupi à ses pieds. La pièce, assez vaste, était éclairée par les bougies du piano coiffées de petits abat-jour roses et par une lampe de mosquée suspendue à godets de verre rouge. « Oui. » reprit-elle. « Vous me voyez ce soir tout à fait au fond du puits. J'ai reçu de votre ami une lettre qui m'a accablé. Tenez, lisez-la. » Et elle tendit à Henri la lettre de Jacques apportée par M. de Garamante. C'était une déclaration d'une violence passionnée. Henri peignait en termes brûlants l'ardeur de son amour. Il adjurait la jeune fille de prendre enfin une décision, préférant tout, disait-il, même un refus, à l'angoisse d'une incertitude que l'éloignement rendait plus cruelle encore. Henri ne jeta qu'un coup d'œil sur la lettre et resta muet, les sourcils froncés, un peu pâle. « Vous voyez, dit-elle, comme il me traite. C'est un ultimatum qu'il ose me poser brutalement. Il faut que je capitule à l'instant même. Peu lui importe de savoir si en m'adressant cette injurieuse sommation, il ne blesse pas ce sentiment intime, mélange de pudeur et de fierté, qui fait que nous autres femmes, nous voulons rester souverainement libres jusqu'au moment où il nous plaît de devenir esclaves. Il ne s'inquiète pas de savoir si je suis à l'unisson, et ne daigne rien faire pour m'y mettre si je n'y suis pas. Je lui offre une tendresse fraternelle, et il me paye en grosse monnaie d'amour. Ah, je suis bien malheureuse, monsieur. Est-ce que, vraiment, il faut s'interdire d'avoir un ami quand on est femme, un frère de son choix, que l'on puisse aimer doucement, sûrement, sans qu'il vous jette au nez une déclaration? Dites, répondez. Mademoiselle, j'ai cru longtemps qu'il pouvait exister entre hommes et femmes une de ces belles amitiés intellectuelles que votre sexe ne connaît guère. Depuis, j'ai changé d'avis. Et je n'ose plus rien affirmer, sinon que ce rêve est peut-être plus décevant encore que ne sont d'ordinaire les chimères qui séduisent les cœurs généreux. Et cette chimère était la mienne pourtant. J'entretenais cette illusion que je pourrais avoir des amis et me faire leur sœur de charité. On vous dira dans les hôpitaux, mademoiselle, qu'une sœur de charité, quand elle est jeune et jolie, fait plus de malades qu'elle n'en guérit. Je ne m'étonne pas que Jacques se soit laissé entraîner à souhaiter plus que votre amitié. Cela me semble tout naturel. Je comprends que, si jeune, il vous aima déjà et que cet amour ait grandi avec lui. D'ailleurs, cette passion n'était pas un mystère pour vous, permettez-moi de vous le rappeler. Et je m'explique mal l'indignation provoquée ce soir par un aveu qui sans doute n'était pas le premier. Eh, monsieur, c'est que peut-être j'avais cru l'aimer et qu'apparemment je suis sûr aujourd'hui de ne l'aimer point. Elle lança ces mots d'une voix âpre et se leva brusquement. Fumez-vous, reprit-elle. Voici du lataquier, ne vous gênez pas. J'adore l'arôme de ce tabac d'Orient. Voulez-vous que je vous donne l'exemple ? Elle alluma une cigarette et reprit sa place sur le divan. « Voyez-vous, monsieur Mareuil, je ne serai jamais la femme de Jacques, jamais, entendez-vous bien. »« Je ne sais qui je dois plaindre, mademoiselle. Personne. Nous ne sommes point faits l'un pour l'autre. J'ai pu m'y tromper un instant peut-être, mais aujourd'hui, je l'avoue, le fossé me paraît moins large à franchir pour une femme de l'indifférence à la passion que de l'amitié à l'amour. Qu'en pensez-vous ? » ?»« Rien. Je suis docteur en droit, non en psychologie féminine. » Ne vous donnez donc pas la peine de faire de l'esprit pour ne point répondre, et convenez tout simplement que j'ai raison, mais que vous n'osez pas le dire. Vous me connaissez trop maintenant, pour ne pas savoir à merveille qu'il n'existe entre Jacques et moi aucune de ces affinités électives dont vous me parliez si bien, un soir au salon, il y a 6 semaines. Où sont-elles, je vous prie, ces mystérieuses et subtiles concordances entre son être moral et le mien, cette secrète parenté intellectuelle que vous proclamiez la condition même de l'amour? Vous n'avez pas remarqué comme je vous écoutais ce soir-là? Ce n'était point seulement parce que je subissais le charme de votre parole ingénieuse, c'est aussi que je voyais se dissiper peu à peu, à la clarté de votre analyse, l'obscurité de ma propre pensée. Je ne débrouillais pas bien encore les chevaux confus de mes sentiments. Je ne savais pas, vous dis-je, si j'aimais Jacques ou si je ne l'aimais point. Après vous avoir entendu, j'ai compris que je ne pourrais jamais l'aimer. Moi, j'ai fait cela? S'écria le jeune homme avec l'accent du plus douloureux étonnement. « Mais oui, » répliqua-t-elle, sans rien perdre de son impitoyable tranquillité. « Et vous m'avez rendu le plus signalé service. Imaginez ce qui serait arrivé si vous ne m'aviez pas suggéré l'idée de m'analyser et de l'analyser lui-même. Lorsque vous fîtes devant moi cette critique magistrale de l'amour instinctif, bon, disiez-vous, pour une pensionnaire échappée de son couvent, indigne d'une femme qui pense et subordonne le sentiment à la raison. » « Mais, mademoiselle, ce n'était qu'un paradoxe, absurde et coupable, que je déplore amèrement. C'est inutile, il est trop tard. On ne réfute pas après coup un paradoxe soutenu avec tant de talent, que vous ne trouveriez plus, j'en suis sûr, pour le combattre, la moitié de la verve dont vous avez fait preuve en le défendant. C'est comme les mots imprudents qu'on laisse échapper devant les diplomates, vous savez. Impossible de les retirer. À peine partis, on veut les reprendre, mais baste, ils courent et sont déjà loin. » Il soupira longuement. « Quittez cet air funèbre, je vous prie. Qu'avez-vous à vous reprocher? Un crime de lèse-amitié, n'est-ce pas? Allons, je vous croyais au-dessus de ces enfantillages. Voulez-vous que je vous décerne un diplôme attestant la sincérité du zèle dont vous avez fait preuve en faveur des intérêts qui vous étaient confiés? Noterai-je sur ce certificat combien de fois vous avez traité Jacques de héros? Dirai-je que, depuis bientôt 4 mois, vous n'avez peut-être pas manqué un seul jour de proposer à mon admiration une liste complète de ses menus mérites, qualités, dons et vertus? De grâce, mademoiselle, épargnez-moi vos sarcasmes. Ce n'est pas être ridicule, je pense, que de souffrir beaucoup à la pensée d'avoir nuit au meilleur des amis. Monsieur Mareuil, je ne vous reconnais plus. Il me semble que vous devenez naïf. Jacques, je le répète, n'est pas plus le mari qui me convient que je ne suis moi la femme qu'il mérite. Convenez donc qu'en m'aidant, sans le vouloir d'ailleurs, à discerner les faibles garanties de bonheur présentées par une union si mal assortie, vous avez travaillé dans son intérêt comme dans le mien, et pourvu à la tranquillité non pas de ma vie seule, mais de la sienne également. Comment cela? Eh mon Dieu! Parce que si j'avais mis à exécution ce ridicule et enfantin projet d'épouser un homme sans autre raison plus sérieuse que d'avoir joué à cache-cache avec lui 10 années auparavant, cet homme, je n'aurais pas manqué de le rendre très malheureux, attendu que je ne l'eusse jamais aimé. Qui vous le prouve? Tout. Jacques est un enthousiaste, et j'appartiens moi à une autre école, plus raisonneuse et plus racise, qui est la vôtre aussi, n'est-il pas vrai, monsieur Mareuil? Ah, je sais maintenant qui j'aimerais, si j'aime un jour. C'est un homme qui aurait eu le talent de si bien m'imposer sa supériorité, que je puisse être fier et non pas humilié quand je le proclamerai mon maître. Je le veux, celui-là, non point naïf comme Jacques, mais possédant la science de la vie, qui est un attribut viril, connaissant la femme, car je n'aurai pas de puérile jalousie rétrospective, moi, qui pense qu'on doit craindre pour son mari moins les revenants que les voleurs. Je le veux spirituel, maniant l'ironie comme d'autres une épée, avec assez de dextérité pour faire à son choix de légères ou de mortelles blessures. Il est cet homme, dont je serai la servante, de ceux qui sont faits pour ne pas rester confondus dans la foule, mais doivent, tôt ou tard, la dominer, attirer les regards, et soulever la clameur de l'envie unie à celle de l'admiration. Il a l'ambition qui est une vertu, la conscience de sa valeur qui est une force, le scepticisme souriant qui est une grâce, l'observation pénétrante qui inquiète et qui subjugue, enfin ce je ne sais quoi de dédaigneux qui devrait nous irriter et qui nous charme. » Elle parlait rapidement, d'une voix sourde, un peu sifflante parfois, et plongeait dans les yeux de Mareuil un regard dont il pouvait à peine supporter l'intensité. Le jeune homme, enivré par la solitude, le silence de la nuit, les vagues parfums flottant dans l'air attiédi de la pièce, surtout par la vue de cette étrange fille qui semblait lui offrir son amour, contenait avec peine l'impétueux élan qui le portait vers elle. « Ah, mademoiselle, » dit-il d'une voix altérée par l'émotion, « que ne donnerait-on pas pour être cet homme ?»« Et si vous l'étiez par hasard ?» dit-elle très bas en se penchant vers lui. Le souffle de la jeune fille caressa la figure de Henri. Éperdu, il tomba à ses pieds et fit le geste de l'enlacer. Mais elle se dégagea de cette étreinte et, passant sa main sur les cheveux blonds de Mareuil agenouillé, le baisa légèrement au front en murmurant « Comme vous avez été long à comprendre !» Et sans même lui laisser le temps de se relever, elle ouvrit la porte et disparut en lui jetant ce seul mot « Addio !» Henri fut tenté de la rejoindre. Il fit même quelques pas hors du chalet, mais s'arrêta bientôt. La fraîcheur humide de la nuit, en le saisissant brusquement, apaisa soudain la dangereuse exaltation qui, depuis le commencement de cette journée critique, n'avait cessé de grandir en lui, au point de le dominer tout à fait un instant auparavant et de le jeter, vaincu, aux pieds de la jeune fille. Il revint vers la porte, s'arrêta sur le seuil et promena un regard vague sur le piano ouvert, la lampe orientale au reflet rougeâtre, le divan où les coussins affaissés semblaient garder encore l'empreinte du corps d'André. Son être, qui tout le jour avait vibré sous le choc d'émotions répétées, était désormais envahi par une sorte de torpeur. Il rentra au château d'un pas de somnambule et, arrivé dans sa chambre, se laissa tomber entre les bras d'un fauteuil de travail. Il resta là quelque temps, puis, machinalement, tira de sa poche un papier plié dont la vue le fit tressaillir. C'était cette lettre dont il avait seulement parcouru les premières lignes lorsque le comte la lui avait remise, quelques heures auparavant. Jacques se plaignait de rester sans nouvelles et de n'avoir pas reçu même un billet depuis un mois. « Si je ne me répétais sans cesse, disait-il à la fin de sa lettre, que ton amitié veille, là-bas, que tu t'ingénies à me conserver ce cœur dont je ne suis pas assez sûr, pour ne pas craindre souvent qu'il ne m'échappe, que deviendrai-je ? Ah, la bonne et sainte chose que l'amitié, quand elle implique, comme celle qui nous unit, le dévouement sans borne et la confiance sans réserve. » Tandis que Mareuil lisait ces pages, l'anxiété, le remords se peignaient sur son visage. Il se rappelait tout maintenant. Il passait en revue sa conduite, depuis le jour où il avait accepté de servir les intérêts de Jacques, jusqu'à ce moment funeste, où il venait de trahir l'ami plein d'abandon, le frère plein de tendresse. L'échafaudage de sophisme qu'il avait construit pour masquer à ses propres yeux sa passion grandissante s'écroulait brusquement. Il se souvenait des premières alarmes de sa conscience, 3 mois auparavant, et ne se pardonnait plus l'ingéniosité qu'il avait déployée pour les dissiper et se donner le change à lui-même. Il lui revenait à l'esprit certaines paroles qu'il jugeait coupables à présent qu'il en mesurait mieux la portée. Une lumière soudaine se faisait en lui et éclairait brutalement les ambiguïtés de sentiments où il s'était complu, les équivoques que la passion trouve toujours quand il s'agit pour elle de faire tomber le devoir dans ses duperies. La vérité toute nue était là devant lui, et cette lettre dont chaque mot stigmatisait sa faute, cette lettre où s'était épanché le cœur confiant de Jacques, l'accablait sous le poids d'une muette et terrible accusation. Henri courba la tête. De grosses larmes gonflèrent ses paupières et roulèrent le long de ses joues. Puis il se jeta sur le lit, cacha sa figure dans l'oreiller et dit avec un gémissement : « Je suis un misérable. »